Bonjour à tous et bienvenue à ce premier podcast de Michael Michaud, membre du blog des Geeks Chialeux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis animateur, entre autres animateur de l'émission de radio Puissance Maximale qui est diffusée tous les jeudis soirs à 18h sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec, que vous pouvez également écouter en direct au ckiafm.org et en podcast au www.puissancemaximale.com. Et je suis bien content de participer à ce genre de podcast-là, parce que oui, effectivement, le monde geek, le monde des imaginaires comme ça, c'est bien beau, c'est bien gentil, mais il y a des choses qui ne marchent pas nécessairement tout le temps. Et ce blog se plaira donc à critiquer ce qui ne marche pas, les problèmes qu'on y trouve. Toujours de façon, on essaye de le faire le plus constructif possible, tout d'abord, il faut quand même accepter la critique. Ce podcast que vous allez entendre de quelques minutes traitera donc de deux sujets, donc vous l'avez entendu, acceptons la critique comme premier sujet, et le deuxième sera un geek, c'est con. Donc commençons tout de suite par la première, donc acceptons la critique. Tout de suite, faut vous expliquer ce que ce blog-là, ben, ça va être effectivement pour critiquer des choses qui ne fonctionnent pas selon nous dans le monde geek, dans le monde des jeux vidéo, des jeux de plateau, des conventions, de l'anime, du manga, de la science-fiction, tout ce qui touche le geek, du jeu de rôle également. Et donc critiquer est normal, c'est normal de le faire dans toutes les facettes de notre société, qu'on a qu'à penser à la politique, penser à la consommation également. Il faut critiquer les gens qui sont autour de nous, qui font des choses pour, premièrement, que ça s'améliore, ou pour tout simplement éviter des choses plus ou moins honnêtes, etc. Donc, il faut pas avoir peur de critiquer. Déjà, on a vu sur le blog et sur la page Facebook du blog des gens qui avaient peur que ça tombe dans les attaques personnelles. Il faut mettre quelque chose au clair. Souvent, les geeks, et je m'inclus là-dedans, là, ici le mot geek n'est pas utilisé de façon péjorative. Le mot geek, en fait, les geeks sont difficiles à critiquer. On prend souvent tout personnellement chez les geeks, et ça, c'est un gros problème, parce que souvent, ce qu'on veut critiquer, c'est l'événement, c'est le produit, c'est bien des choses, sauf la personne. On sait que la plupart des gens qui sont dans ce milieu, qui travaillent comme bénévoles dans les organisations de conventions, dans les organisations de GN, qui proposent des produits geeks, qui font des jeux, qui en vendent également. Bref, tous ces gens-là, on veut les critiquer parce qu'on aime ça, et on veut que ce soit les meilleurs produits possibles, les meilleurs événements possibles. Malheureusement, certaines personnes ne le prennent pas comme ça. Il faut toujours se battre pour leur faire comprendre que ce n'est pas une critique personnelle, que ce n'est pas une attaque personnelle, mais qu'on veut seulement leur montrer, en tout cas, selon nous, la bonne voie. C'est pas, je dis nous, là, c'est pas que nous ici sur le blog, là, on pense pas qu'on a la vérité absolue non plus, mais c'est les gens en général, ce qui amène au fait qu'il faut pas se gêner pour critiquer les gens. Puis là, je parle de critique, je ne parle pas de justement dire qu'un tel est un pas bon, c'est des niaiseux à ce place-là, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'il y ait de la critique constructive. C'est sûr qu'il y a des fois, il y a des événements, il y a des produits qui valent pas de la chenoute, là, on va se le dire, là, qui valent pas la peine d'être achetés, ou des événements auxquels ça vaut pas la peine de se déplacer parce qu'on prend les gens pour des imbéciles, ou parce que tout simplement le produit est pas intéressant. Ça aussi, ça se dit. Mais ça se dit qu'un événement est pas intéressant. On n'y va pas dans ce temps-là. Ça, il y a des choses que des fois les geeks ne comprennent pas. Vous allez à un événement, vous n'aimez pas ce qui s'est passé là, vous critiquez jamais, puis vous retournez toujours à l'événement. Faut pas s'attendre à ce que l'événement s'améliore. Même chose pour les produits que vous achetez. Donc, si vous allez dans une convention et vous décidez que ben ça vaut pas grand chose, c'est pas intéressant, mais j'en parle pas à personne, à part à mes amis proches. J'en parle pas à personne, je fais pas de plainte officielle auprès de l'organisation et j'y retourne à chaque année. Faut pas s'attendre à ce que les gens des organisations de conventions, entre autres, et d'autres événements geeks prennent ça. Ils peuvent pas deviner par magie ce qui fonctionne pas toujours dans leur événement. On a le nez collé. Quand on est dans une organisation d'événements comme ça, on a le nez collé là-dedans. On voit pas tout. Malheureusement, c'est des gens bénévoles. On le dit sur le blog aussi à plusieurs occasions. Les gens mettent beaucoup de... Je parle en connaissance de cause parce que j'ai fait partie d'une organisation comme ça. Et on met beaucoup d'énergie personnelle et de temps et d'argent personnel là-dedans. C'est-à-dire qu'on a tout le temps eu une reconnaissance de l'extérieur. Il faut comprendre les gens qui ont le nez là-dedans, mais si vous leur parlez jamais, ben c'est sûr et certain que l'événement ne s'améliorera pas. Donc ça, c'est une des choses. Donc il faut accepter la critique, il faut la faire, la critique également. Donc il faut arrêter de prendre tout personnel, cher geek. Il faut seulement travailler ensemble au niveau de de nos passions et se sortir un peu de la tête, dans le sable. Puis la tête du cul aussi, il faut le dire, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui ne pensent. Puis on a quelqu'un aussi sur le blog qui en a parlé, un autre participant. Les gens qui ne pensent qu'à leur passion à eux, puis le reste, c'est de la merde. C'est pas comme ça que ça fonctionne, pas du tout. Vous avez le droit de ne pas vous intéresser à ce qui vous passe, à ce qui se passe autour de vous, aux autres choses qui se passent autour de vous. Mais ayez le respect au moins des gens qui veulent aller élargir leurs horizons et aller voir autre chose que du GN, que de l'animé, que du jeu de rôle ou de la science-fiction. Il y a des gens comme moi, entre autres, qui s'intéressent à plein, plein, plein de facettes de la culture geek. Et donc, moi, me faire répondre ça dans une convention, je traite le gars de connard ou la fille, là, ça peut arriver aussi. Je traite le gars de connard et je m'en vais parce que moi, des gens comme ça, les fermés d'esprit comme ça ne m'intéresse pas. Donc, ça, c'est une critique aussi qui est possible de faire auprès de quelqu'un qui est bouché et qui ne jure que par. Puis en plus, ça peut être pire que ça, des fois qu'il ne peut ne jurer que par un seul jeu dans le roleplay. Et qui, bref, vous voyez le style un peu. Donc, faisons attention, oui, les attaques personnelles, ça peut toujours arriver. Il y a des gens, il y a des connards partout qui peuvent mettre la merde, ça peut arriver. Mais quand c'est pas de notoriété publique, on peut se garder quand même une petite gêne, mais ça peut arriver. Mais surtout, concentrons-nous sur les critiques constructives pour que les événements avancent. Il faut quand même comprendre aussi que certains événements, malgré les critiques qu'on peut leur faire, restent quand même muettes et sourdes à ces critiques-là. Et ici, je nommerai Otakuton, là. Pour certains, vous savez que lors de l'émission Puissance Maximale du 2 août dernier, en fait, on avait fait un coup de gueule sur l'organisation d'Otakuton de cette année 2012 pour des raisons de vraiment problème de relation avec les médias, surtout de ce qu'on avait entendu avec la puissance maximale entre autres, mais aussi des rumeurs disant que peut-être des intérêts auprès des médias non montréalais et surtout francophones. C'est sûr que ça reste une rumeur, mais bref. Puis j'avais écrit une lettre de plainte à Tocuton, et j'ai jamais eu reçu de retour par rapport à ça, même pas pour discuter de la chose. Donc, c'est le genre d'affaires qu'il faut comprendre. Des fois, malgré les critiques qu'on peut faire, ça peut arriver que ça tombe lettre morte, malheureusement. Mais il faut quand même, faut pas se gêner pour les faire. Parce que c'est comme ça qu'on se fait entendre. Parce qu'il faut pas oublier, et là, j'en tombe à mon deuxième sujet de ce podcast, un geek, c'est avant tout un consommateur. Et un consommateur, c'est niaiseux. Dans notre société d'aujourd'hui, on n'est pas toujours renseigné. On n'a qu'à écouter les reportages sur les élections présentement au Québec. La majorité de la population, souvent, n'est pas assez renseignée sur, entre autres, la politique provinciale. Mais quand vous êtes consommateur aussi, il faut s'informer. Il faut s'informer de nos droits en tant que consommateur. Pas juste aller chialer au commis du magasin. Vous avez acheté une figurine. Elle est pas aussi belle. Le commis du magasin, souvent, il est même pas au courant. Il pourra pas vous aider à part. Il va être au courant des politiques du magasin où il travaille, mais de la compagnie et tout, là, c'est un gars de plancher, là. Il faut aller plus loin que ça. Donc, quand vous achetez, vous votez, mesdames et messieurs. Donc, quand vous décidez, comme je vous disais tantôt, de retourner dans un événement sans cesse, un événement que vous aimez pas, mais que vous allez là parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, ben c'est un peu encourager ce genre de monde-là qui prennent votre argent et qui font des événements moins intéressants. Donc, à ce moment-là, vous les encouragez pareil, même si ça vaut juste 2, 3, 4, 5 $, c'est sûr que c'est pas un 40 $ d'un autre genre de convention ou d'un autre événement. Vous allez dans un petit café ou un truc du genre, puis c'est pas à la hauteur, ben on doit le dire aux gens. Si les gens ne nous écoutent pas, ben seulement de plus y aller. Donc acheter, c'est voter. La même chose pour les produits. On parle souvent de l'émission puissance maximale de l'industrie du jeu. Quand vous avez justement des Battlefield 3, entre autres, où vous allez aller vous chercher le jeu à 40 $ présentement. Souvent, le présentement, il est moins cher. Puis là, vous allez être obligé de vous acheter le pack premium à 50 $ pour avoir d'autres cartes. C'est juste des cartes, là. On s'entend qu'à une certaine époque, on allait acheter vraiment des expansions matérielles. On allait acheter un nouveau CD au magasin. Ça valait 30 $, puis on avait des heures et des heures de plus sur notre jeu. Là, on paye 50 $ pour avoir des cartes. C'est vraiment du matériel complètement virtuel, là. Donc, je trouve ça un peu épais, le monde qui vont aller payer sans poser de questions ou qui vont vraiment l'acheter au début. La plupart des nouveaux jeux maintenant, quand ils sortent sur le marché, ça coûte 60 $ et souvent, beaucoup de jeux ne nous donnent même pas 10 heures, nous donnent des fois 10 heures de jeu. Comparé, disons, à un Skyrim, on en revient beaucoup à. On parle beaucoup de Skyrim à l'émission, mais ça reste quand même un jeu qui offre des centaines d'heures de jeu, justement, de divertissement pour le même prix qu'ailleurs. Et donc, il faut quand même penser à ça quand on fait nos achats, pas juste d'aller faire des achats. Il faut penser à la qualité de ce qu'on va acheter, puis il faut pas vraiment être, faut pas vraiment se plaindre qu'on veut payer le gros prix pour quelque chose qui en vaut pas, qui vaut pas ce prix-là. Donc, c'est aussi ça, être geek, c'est avoir un bon jugement, pas juste chialer, ah, ça c'est de la merde, ça j'aime pas ça, pour quelle raison? C'est pas intéressant, on veut pas le savoir si t'aimes pas ça, si t'as pas de raison pour venir appuyer tout ça, pour venir appuyer ton argumentaire. T'aimes pas ça, ok, mais j'en ai rien à foutre. Dis-moi pourquoi, au pire, si tu veux discuter avec moi, j'aime pas Sakura, Chasseuse de cartes, parce que je trouve que c'est trop jeune, le dessin, je le trouve trop enfantin, et les sujets ne me touchent pas. Voilà, ça, c'est une façon de bien exprimer sa pensée. Si vous dites, c'est de la merde, ben, c'est peut-être des chances que les gens soient pas intéressés par votre point de vue en général. Donc, voici, cher geek, acceptez la critique, et surtout, achetez intelligemment, et n'ayez pas peur de dire votre opinion de la bonne façon. Étayez vos argumentations. Dites aux gens pourquoi vous n'aimez pas quelque chose, autant aux organisations qu'à vos amis geeks pour une nouvelle série. Soyez juste intelligent. Apprenez à parler et à discuter de la bonne façon avec les gens pour qu'on vous comprenne et aussi pour que vos critiques soient acceptées par les organisations d'événements, par les magasins où vous achetez, sans être obligé d'être impoli avec tout le monde. Vous êtes capable de vous exprimer de bonne façon pour que vous ayez un bon service, des bons produits, et c'est à un prix acceptable. Donc, voici, c'était mon premier podcast sur le blog des vieux chialeux. J'espère que vous avez apprécié. Il y en aura d'autres, sûrement sur des événements ou autres choses que je trouve inacceptables, ou des choses que je peux aimer, ça peut arriver. Ça m'arrive souvent d'aimer des choses dans l'univers geek. Donc, voici, c'était Mickaël Michaud, des vieux chialeux, qui était bien content de vous parler, et à une prochaine fois.